Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La critique de la raison pratique de Kant est la deuxième critique. Après avoir défini les limites de la raison dans la critique de la raison pure, avant de s'interroger sur le sens du beau et du sublime dans la critique de la faculté de juger, la critique de la raison pratique publiée en 1788 décrit l'usage pratique de la raison pure. En clair, elle montre comment la morale a pour origine non pas les critères de bien et de mal, mais la raison. Celle-là même qui nous permet d'accéder à la connaissance. Cette morale s'articule autour d'un concept qui porte le nom de respect. R-E-S-P-E-C-T. Ce qui est dans bien des cas la seule chose que l'on demande vraiment, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais le respect pour Kant n'est pas tant une chose que l'on demande ou que l'on attend d'autrui qu'un sentiment qui nous révèle l'existence de la liberté. Rien de moins. Ou plutôt, comme l'écrit Kant dans un registre légèrement différent de celui d'Aretha Franklin, le fondement de la détermination de la volonté. Ce dont la représentation comme fondement de la détermination de la volonté nous humilie dans l'opinion que nous avons de nous-mêmes, suscite par soi-même, pour autant que c'est quelque chose de positif et un fondement de la détermination, le respect. La loi morale est donc aussi, subjectivement, un fondement du respect. Bonjour François Callery. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. On passe d'Aretha Franklin à Emmanuel Kant, jusqu'à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Cette belle entrée avec Aretha Franklin. Voilà, on va essayer elle nous met la barre très haut en termes de rythme, de mélodie et d'accessibilité. Donc, ça va être notre modèle pendant cette émission. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Bon, vous enseignez la philosophie à l'Université de Rennes. Vous êtes grand connaisseur de Kant, auquel vous avez consacré un ouvrage, coordonné un ouvrage, qui s'appelle De la sensibilité, les esthétiques de Kant, publié aux presses universitaires de Rennes. Aidez-nous. Aidez-nous, parce que Kant parle de respect, c'est sans doute le concept central de la critique de la raison pratique, si tant est que ce soit un respect. Et pourtant, lorsqu'il le définit, on a l'impression de plus comprendre ce que c'est que le respect. Quand Aretha Franklin chante respect, on comprend très bien, elle l'épelle, et quand Kant en parle, il parle du fondement de la détermination de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors pour bien comprendre ce qu'est le respect, il faut voir d'abord que la détermination morale est toujours une détermination par pur respect pour la loi. Ça, c'est déjà posé dès les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est un ouvrage antérieur à la critique, mais où la problématique qui sera celle de la critique de la raison pratique est déjà bien engagée et développée. Ce respect désigne de toute façon tout à fait précise fondement de la détermination de la volonté en tant qu'il est déterminé uniquement par la raison. Nous devons agir par pur respect pour la loi et non pas en étant déterminé par des sentiments de plaisir ou de peine, par la considération d'un objet de la volonté, mais c'est bien la loi dans sa formalité qui doit déterminer notre volonté. Mais ce que désigne aussi, mais de façon encore un peu mystérieuse dans les fondements dans la métaphysique des mœurs, ce terme de respect, c'est aussi un sentiment. Et là, la critique de la raison pratique, notamment dans le troisième chapitre de son analytique, va nous permettre de mieux comprendre la nature de ce respect en tant qu'il est aussi un sentiment. Et je pense que c'est ça qui est un des points qui est le plus intéressant avec cette notion, c'est de voir que Kant, qu'on représente toujours évidemment comme le penseur de la raison pure, le penseur de la raison pure pratique dans la détermination de sa philosophie morale, ne laisse pas entièrement de côté cette question de l'affectivité, cette question de la sensibilité, cette question du sentiment qui, par ailleurs, au XVIIIe siècle, a une telle importance dans la philosophie, mais pas seulement dans la philosophie, aussi en littérature et dans les arts. On peut dire que le XVIIIe siècle, si on contextualise un tout petit peu les choses, c'est vraiment le siècle du sentiment, le siècle de l'invention du sentiment. Encore aller à l'âge classique, au XVIIe siècle, l'affectivité est pensée à partir de la catégorie des passions. On distingue deux facultés fondamentales de l'esprit humain, la connaissance d'un côté, la faculté de désirer de l'autre. Et peu à peu, avec le XVIIIe siècle, on voit monter en puissance cette catégorie du sentiment qui devient peu à peu la catégorie fondamentale du vocabulaire de l'affectivité et supplantant ce terme de passion qui va prendre une signification un peu différente et va s'affirmer comme étant une des facultés fondamentales de l'esprit humain. On assiste même chez Kant aussi à cette évolution qui va nous conduire à cette reconnaissance du sentiment comme troisième faculté fondamentale de l'esprit à égalité avec la connaissance et avec le désir. Or, dans cette affirmation du sentiment comme catégorie philosophique à part entière et comme catégorie fondamentale pour penser l'affectivité, eh bien, il y a deux vecteurs principaux de cette affirmation. D'un côté, la réflexion sur l'esthétique, le beau et le sublime aussi, qu'on trouvera chez Kant dans la troisième critique. Mais il y a aussi, bien sûr, la réflexion morale et la réflexion autour de la possibilité d'une fondation de la moralité sur des sentiments spécifiques qui seraient des sentiments moraux. Sur soit des sentiments moraux particuliers, soit sur un sens moral, comme par exemple chez un auteur que Kant a beaucoup lu, qui est un auteur anglo-saxon, Francis Hutcheson, qui, pour fonder à la fois le jugement moral et l'action morale, recourt à un sens moral qui nous fait approuver la bienveillance des actions et au contraire réprouver ce qui n'est pas bienveillant. Le sens moral, on peut comprendre le sens métaphorique de sens ici, mais le sentiment, comment un sentiment peut-il être moral ? Alors, on peut trouver d'autres auteurs qui mettent en avant cette idée d'un sentiment, c'est-à-dire qu'il y aurait un sentiment de plaisir qui serait lié à l'exercice de la moralité, soit dans le jugement, soit dans l'action, qu'on pourrait retrouver par exemple, toujours dans le monde anglo-saxon, chez des penseurs comme David Hume ou comme Adam Smith, par exemple, qui dans sa théorie des sentiments moraux va faire de la sympathie, c'est-à-dire la capacité que nous avons à partager le plaisir ou la souffrance d'autrui, cet opérateur de communication des affects, le fondement d'une théorie morale extraordinairement forte et puissante. Mais on trouve aussi, par exemple, dans le monde francophone, avec Rousseau, eh bien, un penseur qui va, lui aussi, penser la moralité à partir d'une, ce qui veut élaborer une morale sensitive et à partir de cet affect particulier qui est la pitié, hein, qui est isolé comme étant justement une des tendances fondamentales qui fait contrepoids à l'amour de soi hein, dès le second discours. Et donc toute cette réflexion qui se déploie dans l'ordre moral, mais aussi dans l'ordre théologique, par exemple le grand débat qui ouvre le 18e entre qu'on appelle la querelle du pur amour, hein, entre Fénelon et Bossuet, l'idée de savoir est-ce que toutes nos affects, toute notre sensibilité peut être ramenée à l'amour de soi, à donc une forme d'égocentrisme et d'égoïsme, ou bien s'il existe une dimension de notre affectivité qui, bien loin de nous ramener et de nous replier sur nous-mêmes, nous ouvre à l'autre, nous ouvre à la loi, nous ouvre à la moralité. D'où la possibilité justement de fonder la moralité sur l'affectivité, d'autant que la raison est vue comme une simple faculté de connaissance et une faculté qui est impuissante à elle seule à déterminer la volonté. Comme le dira Hume, par exemple, hein, la raison est impuissante à me prouver qu'il vaut mieux que je m'égratigne un doigt plutôt que la moitié de l'humanité soit dévastée par un tremblement de terre. La raison ne peut pas le prouver, mais c'est la sensibilité qui nous le fait éprouver. Alors évidemment, on a l'habitude de se représenter Kant, le penseur de la raison pratique, comme étant en opposition à ce courant qu'on pourrait appeler sentimentaliste au XVIIIe siècle, en opposition avec les penseurs anglo-saxons qu'on a cités ou avec Rousseau sur ce point-là. Et en un sens, on a raison, hein, puisque depuis le début de ces émissions, on ne cesse de répéter que la moralité, chez Kant, et la notion de respect l'exprime aussi, doit être comprise à partir du pur respect pour la loi en tant qu'elle est imposée par la raison. Et c'est bien la raison pure pratique qui doit déterminer notre volonté. On ne peut pas, pour Kant, fonder la moralité sur le sentiment, sur les sentiments de plaisir et de peine. On ne le peut pas, d'abord parce que on ne peut pas distinguer, au sein de notre affectivité, entre des sentiments qui seraient des sentiments inférieurs et des sentiments qui seraient des sentiments supérieurs et moraux. Il y a une homogénéité fondamentale de l'affectivité pour Kant, et qui fait que, en termes de plaisir, le plaisir de lire la critique de la raison pure n'est pas à privilégier par rapport au plaisir d'aller danser en boîte de nuit ce soir. Mmh. Il n'y a pas de plaisir qui serait qualitativement hétérogène. Mais tous les plaisirs, pour autant qu'on les considère comme fondement de détermination de la volonté, sont des plaisirs qui sont homogènes et où seule la quantité C'est-à-dire à la fois l'intensité, la durée, la multiplicité des plaisirs peut entrer en ligne de compte. Juste fondement de la détermination de la volonté, ça veut dire ce qui nous pousse à agir. Ce qui nous pousse à agir, voilà. Exactement. Le mobile, le sentiment ressort, ne peut pas être ce qui nous pousse voilà, à agir pour Kant. Donc ni directement, ni même par l'intermédiaire d'un sentiment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sentiment pour la loi. Et ce n'est pas le sentiment qui nous ouvre à la loi. C'est bien la raison qui nous impose la loi morale et qui nous impose le devoir. Il n'y a pas de sentiment du devoir. Et donc, Kant récuse explicitement cette possibilité dans la figure qui, pour lui, est un peu le paradigme de l'empirisme dans le domaine moral, qui est la figure de Hutcheson. Autant pour la théorie de la connaissance, le paradigme, c'est Hume. Pour la réflexion esthétique, ce sera Burke. Autant cette idée de fonder la moralité sur une expérience sensible particulière qui serait un sentiment moral, c'est Hutcheson et sa théorie du sens moral qui l'incarnent. Et pour Kant, il le récuse, ne serait-ce que aussi, puisqu'il est le penseur de l'autonomie, se laisser déterminer par des affects, se laisser influencer par la sensibilité, c'est justement rester dans l'ordre de l'hétéronomie et non pas de la liberté conçue comme autonomie. Et pourtant, le respect semble contredire tout ça. Exactement. Et pourtant, réintroduction du sentiment, je dirais, à même cette notion de respect qui avait justement servi à évacuer le sentiment, puisqu'on avait dit on agit uniquement par pur respect pour la loi, et on découvre dans la troisième critique que pourtant c'est le respect qui est ce respect est aussi un sentiment. Et c'est ça qui devient particulièrement difficile à comprendre dans ce troisième chapitre de l'analytique de la raison pure pratique, comment cette liaison avec l'affectivité est réintroduite. Et elle est nécessaire, puisque Kant, dans la doctrine de la vertu, ira jusqu'à dire que si l'homme était privé de sentiment moral, il serait mort moralement, et la moralité, la loi, ne pourrait plus exercer son influence sur la force vitale qui est la nôtre. Donc, il y a là une figure de la mort morale de l'homme qui serait d'être privé de cette sensibilité. Donc, il nous faut comprendre maintenant comment est-ce que la raison pratique pure peut être articulée avec la sensibilité. Le suspense est intact. Et on va définir ensemble ce qu'est le respect, parce qu'une fois qu'on a dit que c'était le fondement de la détermination de la volonté, donc ce qui pouvait nous pousser à agir, on n'a pas dit grand-chose sur la manière qu'a Kant de définir ou redéfinir le respect. Parce qu'en réalité, comme le dit Kant lui-même, en matière de morale, il vaut mieux demander son avis aux gens, au peuple, aux gens qui nous entourent, plus qu'aux philosophes qui pensent être bien placés pour nous faire la morale, mais pas pour nous expliquer comment ça se passe. Alors voici un extrait de film des Affranchis de Martin Scorsese qui propose une définition du respect qui, ma foi, est tout à fait respectable. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin pour avoir du pain frais. Le patron savait avec qui j'étais et il faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins se garaient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. À 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi ? Par respect. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on s'interroge sur ce qu'est le respect que l'on doit aux autres, qu'on doit à soi-même, et surtout ce qui nous pousse à agir moralement. C'est ce que pense Kant dans la critique de la raison pratique qui nous accompagne cette semaine, aujourd'hui, en compagnie du philosophe François Calori. Ce respect qui fait qu'on tient la porte à la mère de ce personnage, un des affranchis, Henry Hill, qui veut être un gangster, qui se fait éduquer par les gangsters et qui pense avoir réussi, enfin qui a réussi, vu la fin qu'il recherchait, et qui brandit le respect comme étant un gage de qualité. On n'est pas du tout dans la morale kantienne, et pourtant ici le respect est un signe clair d'une incitation à agir. Oui, mais alors, pour le coup, je pense que la définition qui vient d'être donnée par Henry Hill dans le dans le film de Scorsese est une définition qui justement serait peut-être le contraire exact de ce qu'est le respect kantien, puisqu'ici c'est un respect qui est basé sur la force, sur la peur qu'inspire la violence que les gangsters peuvent exercer sur les individus, alors que précisément le texte qu'on va entendre tout à l'heure montrera que la spécificité du respect est précisément qu'elle ne peut pas être réduite à la simple crainte devant la puissance, ni à l'admiration que peut faire exercer sur nous l'intelligence d'un individu, hein, mais il faudra cerner justement la spécificité proprement morale du respect. Et donc, la mère d'Henry Hill peut inspirer le respect peut-être par sa moralité, mais certainement pas par la puissance que véhicule l'appartenance de son fils à la mafia new-yorkaise. On va garder en tête Henry Hill, puisque peut-être que ce qu'il prend pour le respect n'est en réalité que l'expression de la crainte. Ce que Kant distingue dans le texte, que voici un extrait de la critique de la raison pratique, ce sera plus Scorsese mais Kant, ce sera plus les affranchis, mais Fontenelle, qu'il cite dans ce texte pour montrer la distinction entre la crainte ou même le respect des honneurs en termes de social et le respect moral, qui sont vraiment deux choses distinctes. Écoutez le texte lu par Georges Claes. Le respect s'adresse toujours seulement à des personnes, jamais à des choses. Ces dernières peuvent susciter en nous de l'inclination, et en ce qui concerne les animaux, même de l'amour, ou bien encore de la crainte, comme la mer, un volcan, une bête féroce, mais jamais du respect. Ce qui se rapproche déjà plus de ce sentiment, c'est l'admiration. Et celle-ci, comme affect, à savoir l'étonnement, peut aussi se rapporter à des choses. Par exemple, à des montagnes s'élevant jusqu'au ciel, à la grandeur, à la multitude et l'éloignement des corps célestes, à la force et à la rapidité de certains animaux, etc. Mais tout cela n'est point du respect. Un homme peut aussi pour moi être un objet d'amour, de crainte ou d'admiration, pouvant même aller jusqu'à l'étonnement, et cependant ne pas être pour autant un objet de respect. Sa bonne humeur, son courage et sa force, le pouvoir que lui donne le rang qui est le sien parmi ses semblables, peuvent m'inspirer de tels sentiments, alors que le respect intérieur à son égard manquera quand même encore. Fontenelle dit « Devant un grand, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas. » J'ajouterai « Devant un homme de condition inférieure, roturière et commune, chez lequel je perçois une droiture de caractère portée à un degré que je ne constate pas chez moi-même. Mon esprit s'incline, que je le veuille ou non. » Et quelle que soit la hauteur à laquelle je relève la tête pour qu'il n'oublie pas la supériorité que me donne mon rang. Pourquoi cela? C'est que son exemple me présente une loi qui abat ma présomption dès que je la compare avec ma conduite. Et une loi dont je vois devant moi la preuve en acte qu'elle peut être suivie et partant celle de sa praticabilité. Le respect est un tribut que nous ne pouvons refuser au mérite, que nous le voulions ou non. Si nous pouvons éventuellement nous retenir de l'extérioriser, nous ne pouvons cependant pas nous empêcher de l'éprouver intérieurement. Un homme peut aussi pour moi être un objet d'amour, de crainte ou d'admiration, pouvant même aller jusqu'à l'étonnement, et cependant ne pas être pour autant un objet de respect. François Calori, qu'est-ce qui manque à tous ces attributs pour ne pas être qualifié de respect? Ou plutôt, qu'est-ce que le respect suscite en plus de tout cela? Le fait que justement le respect ne peut jamais être que respect pour la loi morale. Et pas donc pour un homme. Pour un homme, oui, mais en tant qu'il présente justement en lui un exemple de cette loi et non pas quelque chose qui relèverait de la force, qui relèverait de l'intelligence. Hein, il y a cette idée qui est très forte dans ce texte, hein, et votre l'acteur qui lisait le George texte. Georges Claes. Oui, Georges Claes lui rend vraiment, rend ce texte encore plus puissant, je trouve, ça le rend très, très limpide. Lorsque Kant évoque cette phrase de Fontenelle, hein, dans laquelle je peux m'incliner devant un grand, mais mon esprit ne s'incline pas. Mais au contraire, lorsque je peux très bien accorder tout mon respect et m'incliner devant l'individu le plus pauvre et le plus misérable, parce qu'il me présente justement une image de la loi, on voit par là qu'il s'agit de saisir quelle est la spécificité véritablement du respect, et qui est la loi. Je pensais tout à l'heure, quel pourrait être un exemple contemporain justement qui permettrait de montrer cette distinction. Et je pensais à la confirmation du juge Brett Kavanaugh pour la Cour suprême aux États-Unis. Donc un candidat pour être élu comme juge à la Cour suprême des États-Unis dont la candidature s'est vue retirée ou questionnée parce qu'il a été accusé pour viol. Pour viol, exactement. Alors qu'il avait 17 ans, je crois. Il a 60 ans aujourd'hui. Donc la question était de savoir est-ce qu'on pouvait le maintenir en poste. Mais moi, maintenir la candidature. Je n'ai pas du tout s'interroger sur la culpabilité ou pas de Kavanaugh, mais c'est plutôt l'usage qui en était fait lorsque Donald Trump, dans des réunions politiques devant un parterre de supporters, s'est moqué ouvertement du docteur Ford, donc la personne qui affirme avoir été violée et qui a présenté sa déposition devant le Sénat, la commission du Sénat, et se moquant ouvertement d'elle et faisant rire l'Assemblée, et au contraire à mettre en opposition avec justement le geste du docteur Ford qui vient, en sachant très bien qu'elle n'a rien à gagner à cette condamnation, mais estimant que c'est son devoir de prévenir quant aux failles morales éventuelles du candidat à la Cour suprême, et qui n'aura qu'à en subir les conséquences néfastes pour elle et pour sa famille, elle inspirant le respect, justement, et au contraire, le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, en un sens, eh bien, n'inspirant pas le respect, même si peut-être nous sommes obligés de nous incliner physiquement devant lui, moralement, il ne peut pas nous arracher ce respect que seule la loi et la présentation de la loi nous permet de donner. La loi morale, parce que là, l'exemple que vous prenez, c'est en justice, et là, il faut distinguer la justice de la morale. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est toujours la loi morale qui suscite en nous le respect ? Toujours. C'est la loi morale et l'individu en tant qu'il est porteur de la loi. Alors, on peut distinguer, en fait, deux niveaux auxquels le respect est pensé par Kant. Tout homme, quel qu'il soit, doit nous inspirer le respect. Nous devons le respecter. En tant que, justement, comme l'indique le début du texte qu'on vient de lire, il est une personne et non pas une chose. Le respect s'adresse à la personne, c'est-à-dire à un individu qui, parce qu'il est libre et parce qu'il a ainsi une valeur absolue, n'est pas seulement une chose. La chose est ce qui a seulement une valeur d'échange, seulement ce qui a un prix et donc quelque chose qu'on peut échanger contre autre chose. Alors que la personne a une dignité, c'est-à-dire non pas une valeur relative, mais une valeur absolue, qui se caractérise précisément par le fait qu'on ne peut pas l'échanger, qu'on ne peut pas lui substituer une autre personne. Elle est absolument unique et du coup, par cela même, inviolable. Donc le respect désigne cette inviolabilité de la personne. Et comme le dit Kant dès les fondements de la métaphysique des mœurs, dans la seconde formulation de l'impératif catégorique, par rapport aux personnes, je ne peux pas les utiliser seulement comme des moyens. Mais je dois toujours les considérer aussi comme des fins. Je ne peux pas les instrumentaliser. Et cela, c'est donc, exprime le respect que je dois à tout homme, à toute femme, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas les traiter comme des choses. D'accord. Mais il y a des individus qui nous inspirent un respect particulier. Ce respect particulier qui force notre respect, comme on dit dans la langue, devant lesquels nous nous inclinons, même si nous refusons de l'extérioriser, nous ne pouvons pas nous empêcher, eh bien, d'éprouver intérieurement ce respect. Et ces individus, ils inspirent ce respect particulier, positif, particulièrement intense, parce qu'ils nous présentent, dans leurs actions, eh bien, une image de la moralité. Ils nous montrent en acte la praticabilité, la possibilité même de l'action morale, quand bien même elle doit s'opposer à toutes nos inclinations, à tous nos penchants, à toutes nos affections, à notre bonheur lui-même. L'exemple de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur bonheur, eh bien, nous arrache le respect, et c'est cela que Kant nous montre ici. Et ce serait qui, par exemple, qui incarnerait cette figure d'une moralité absolue qui arrache le respect ? C'est la personne qui serait prêt, un exemple que Kant prend dans la critique de la raison pratique, la personne qui et que évoquait Antoine Grandjean hier dans l'émission, c'est la personne qui, même si elle subit des pressions terribles sur elle-même, sur sa famille, si elle doit renoncer à toute perspective de bonheur, si elle n'a pour perspective que de finir dans un cul de basse-fosse quelque part emprisonné, néanmoins refuse de porter un faux témoignage et tient à tout prix à respecter le devoir de véracité, celui-là ne peut manquer de nous arracher du respect. Mais donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut croiser quotidiennement. Ce sont des cas très rares, voire même peut-être qu'ils n'existent pas. Ils montrent la praticabilité de la morale, mais peut-être qu'ils n'existent qu'en littérature, de manière abstraite, non ? Porté à ce degré, peut-être, mais pour Kant, nous rencontrons, puisqu'il le dit lui-même, on peut le voir exprimé dans n'importe quelle personne, même la plus commune, de condition la plus commune, peut nous montrer ce respect en acte. Il y a là quelque chose dont Kant lui-même dit qu'il l'a reçu de Rousseau. Il y a des phrases qui sont très émouvantes dans les remarques que Kant a laissées sur son propre exemplaire de son livre, Les Observations sur le sentiment et du sublime. Il a griffonné quelques passages qui ont été retrouvés et qui ont été publiés, et dans lequel Kant dit que pendant longtemps, il a cru que la dignité de l'humanité, lui, chercheur, résider dans l'intellectualité, dans la connaissance, dans l'activité théorique. Et il dit, c'est Rousseau qui m'a détrompé. C'est Rousseau qui m'a montré que la valeur de l'homme était dans la moralité et que l'homme, même le moins éduqué, même le plus simple, était celui qu'on devait respecter, justement, s'il était porteur de cette moralité. Mais jusqu'où, justement, cette affirmation selon laquelle tout homme mérite d'être respecté au nom de la dignité humaine peut-elle tenir? Et si on reprend l'exemple de Henry Hill, donc le personnage des Affranchis, qui devient un gangster, alors qui n'est pas immoral, mais qui a une morale différente que celle que prône Kant, mais il suit un code déontologique et il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Faut-il respecter les individus qui contreviennent à l'idée que l'on se fait de la morale? Le dernier des criminels, faut-il le respecter comme un homme, dignement, nous dit oui, Kant? Pour Kant, même le dernier des criminels doit être respecté dans ses droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'instrumentaliser, il doit toujours être considéré comme une fin en soi, c'est-à-dire qu'il peut être condamné. Donc pas la peine de mort. On n'aura pas le droit, si Kant justifie la peine de mort, mais on n'aura pas le droit de le torturer, on n'aura pas le droit de lui infliger. Mais on peut le tuer. Des souffrances. Oui, alors il faudrait rentrer dans la discussion de la doctrine du droit. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il justifie la peine de mort. Oui, il justifie la peine de mort, mais on ne peut pas l'instrumentaliser, on peut le punir, mais on ne peut pas l'instrumentaliser. Et il aura droit, en tout cas en tant qu'individu, à un procès, par exemple. Dans lequel, justement, un procès contradictoire, dans lequel ses droits seront reconnus. Mais en tant que tel, donc, en tant qu'individu, il a droit à mon respect. Néanmoins, Henry Hill, mais je ne me souviens plus exactement du film des Affranchis, hein, mais autant que je me souvienne, ce livre a un certain nombre d'activités qui, pour Kant, sont des activités clairement immorales. C'est pas, y a, le code déontologique d'un mafieux n'est pas moral au sens de Kant, et donc il ne mérite pas le respect qui est ici décrit, et donc je pourrais être obligé de m'incliner devant lui par la force qu'il exerce, mais pour autant, il n'aurait pas droit à mon respect. Pourtant, Kant prend soin de distinguer la morale qui concerne l'ordre social de la morale individuelle. Il y a une étiquette à respecter, ce qu'il dit, ce que Fontenelle décrit, hein, devant un grand, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas, ce qui rappelle d'ailleurs la phrase de Pascal, hein. Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. C'est vraiment le corps qui manifeste un signe de déférence, ça ne veut pas du tout dire que l'esprit lui-même procède à cette même déférence. Et Kant distingue bien ce qui maintient la société comme étant en état de marche, parce qu'on respecte un code, de la morale vraiment individuelle qui, elle, ne concerne que nous. Oui, alors, il montre la nécessité de respecter les règles sociales, la politesse, et même une forme de réserve. Hein. Par exemple, si on se réfère à la fin du texte de l'Anthropologie, hein, Kant dit que, justement, une société dans laquelle on aurait accès directement, dans une transparence parfaite aux pensées d'autrui, serait une société absolument invivable. Et donc, nous devons nous masquer à nous-mêmes les choses, et il est donc même... Kant, qui est pourtant le penseur de l'interdiction radicale du mensonge, je pense qu'il y a une apparence qui est permise en morale et que nous devons justement respecter ces apparences, que c'est en un sens un hommage que le vice rend à la vertu, au moins en se déguisant. Et donc, il faut respecter cette politesse. Ça ne veut pas dire pour autant que la moralité soit simplement une exigence intérieure et une exigence individuelle. Il y a une dimension d'universalité de la morale qui fait qu'il ne s'agit pas de respecter un code particulier qui replierait l'individu sur lui-même. Avant d'entrer plus en avant dans l'analyse même du respect, en analysant la genèse de ce sentiment, donc c'est là si on pénètre vraiment au sein de la raison pure et on voit comment elle peut devenir pratique, parce que c'est ça l'enjeu de cette critique, un détour par le personnage d'Emmanuel Kant lui-même, vous l'avez dit, hein, l'analyse du respect montre qu'il accorde davantage d'importance au sentiment que ce que l'on croit. Ce que l'on croit, par exemple, ben c'est ça. Ah, cher voisin, je voulais vous voir. Professeur. Mais vous alliez sortir. Cher et grand philosophe, l'honneur de votre visite sera l'excuse à l'avance recevable que je donnerai de mon retard. Non, non, je reviendrai. Alors faites-moi la grâce. Voici, monsieur Loiseleur, vous voyez votre pigeonnier. Chaque jour, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, j'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier. Oh, professeur, mon pigeonnier, vous le voyez, vous? Cependant, depuis quelque temps, vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier. Aussi... Cependant, vous remarquerez que d'ici, nous le voyons, mon pigeonnier. Oui, monsieur l'oiseleur. Mais il ne m'est plus doux de regarder par la fenêtre et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, monsieur l'oiseleur, comprenez-vous? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre? Professeur, abattre un arbre? Abattre un homme, monsieur l'oiseleur? La réputation du philosophe Emmanuel Kant n'est plus à faire, hein, François Calori. Ici un extrait des derniers jours d'Emmanuel Kant, le texte de Thomas de Quincey, adapté au cinéma par Philippe Collin en 1996. Kant qui se plaint qu'un arbre lui cache la vue du pigeonnier, donc il va voir son voisin l'oiseleur, qui le respecte énormément. Enfin, l'oiseleur respecte Kant énormément, il lui demande tout simplement de couper l'arbre. Et quand son voisin l'oiseleur lui dit « mais enfin, abattre un arbre », il répond « mais enfin, abattre un homme, et l'homme, c'est lui ». C'est une légende, ce Kant désagréable, qui porte peu de courtoisie à l'égard des autres quand ça va contre son intérêt. En tout cas, enfin, un Kant obsessionnel qui est devenu un peu mythique, hein, la même promenade tous les jours dans Königsberg. Un Kant vieillissant, en tout cas, et il faut bien prendre conscience que Kant est devenu célèbre uniquement quand il est devenu très vieux, puisque La raison pure était déjà un livre d'un homme âgé. Donc, il avait plus de 60 ans, c'est oui, ça Oui, c'est quand ça, plus de 60 ans déjà. Et donc, il a eu, d'après sa biographie, une jeunesse qui était quand même plus... plus enjouée et plus vivante que cette vieillesse un peu obsessionnelle. Donc c'est un texte étrange, ce texte de Quincey, parce qu'il insiste à la fois sur la grandeur de l'homme et puis sa décrépitude finale, dans une sorte de complaisance fascinée, qui est reposant sur un certain nombre de témoignages d'élèves de Kant au moment de son décès, mais qui... alors peut-être que l'homme était ainsi à la fin de sa vie, mais sa philosophie n'est pas une philosophie qui serait une philosophie obsessionnellement tournée contre la sensibilité, qui verrait dans la sensibilité et l'affectivité la source du mal, et qui voudrait éradiquer cette sensibilité de la condition humaine pour pouvoir faire triompher la raison dans la moralité. Cela déjà parce que la sensibilité n'est pas pour Kant la source du mal. Si le mal doit être moral, le mal doit avoir pour source un acte de la liberté qui m'engage véritablement. Sinon, si la sensibilité contient trop peu, dit Kant, pour pouvoir être le fondement du mal. La passion en elle-même, l'inclination en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Je la subis, tout dépend de la place que je vais lui accorder dans mon arbitre, dans ma décision, dans la détermination de ma volonté. Donc pour Kant, le mal et le bien ne consistent pas d'un côté dans la sensibilité et de l'autre dans la raison, mais plutôt dans la subordination que je vais établir entre ma raison et ma sensibilité. Et Kant est véritablement un apologue de la sensibilité. Il y a un titre d'un paragraphe de l'Anthropologie qui porte ce titre. Qui est un texte très tardif d'ailleurs. Apologie de la sensibilité. Et il pense véritablement le sentiment, mais comme n'étant pas la source du mal, ni quelque chose qui soit mauvais en soi. Mais, simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, et il faut y revenir pour bien comprendre ce qu'est le respect, la sensibilité ne peut pas être le fondement de la moralité. Si véritablement il existe un devoir, c'est-à-dire si véritablement il existe une loi, un principe pratique qui est force de loi, fonder cette loi sur la sensibilité, sur l'expérience, eh bien, c'est, l'expérience, là aussi, contient trop peu pour fonder la loi, puisqu'elle ne peut jamais fonder qu'un principe général, mais jamais un principe qui peut valoir avec la nécessité, avec l'universalité, avec l'implacabilité que l'idée de loi pratique doit avoir. Dès lors, et on l'a dit tout à l'heure, il nous faut écarter au nom de la raison, au nom de l'autonomie et au nom de la liberté, il nous faut écarter la sensibilité du fondement de la détermination de la volonté. Puisque seule la loi et seule la raison peut nous déterminer à agir. Mais, pour autant, que la sensibilité soit écartée du fondement de la moralité ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de place dans la moralité en général. Et, comme je le disais tout à l'heure, sans sentiment moral, l'homme serait moralement impuissant. Alors, il nous faut comprendre comment s'articulent rationalité pratique et affectivité et sensibilité chez Kant dans cette analyse du respect. C'est un chapitre, ce troisième chapitre de l'analytique, qui est un chapitre extrêmement sinueux, dans lequel Kant, on le voit en train de chercher la formulation exacte qui pourra exprimer ce qu'il entend véritablement dire. Mais ce qui est clair, et il le répète à plusieurs reprises, c'est que la réintroduction de la sensibilité dans l'analyse de la moralité ne peut pas revenir sur l'exclusion de cette sensibilité au fondement de la détermination morale. C'est bien la loi, et la loi qui va s'imposer, la raison qui va s'imposer de façon catégorique, nécessairement et universellement. Mais ce que montre Kant, c'est que précisément ce rigorisme kantien, précisément cette exclusion de la sensibilité au fondement de la détermination morale, produit en nous un sentiment qui est un sentiment spécifique. Ce sentiment, il est d'abord un sentiment de douleur. Oui, être moral, ça fait mal pour Kant. Ça fait mal, ça nous produit une souffrance. Pourquoi ? Parce que nos inclinations, eh bien, tendent spontanément à vouloir s'imposer à notre volonté. Et nous devons donc leur résister. Nous devons donc imposer la loi de la raison, hein, aux inclinations. Et cela inflige à notre sensibilité un préjudice. Cela inflige une violence à notre sensibilité. Et pour Kant, la moralité en passe toujours par cette violence infligée à la sensibilité. Cela crée en nous un sentiment de douleur. Pourquoi ? Parce que cela porte préjudice aux inclinations en général et à leur tendance à vouloir s'imposer à nous. Mais surtout, cela humilie, dit Kant, et le terme est très fort, la présomption. Qu'est-ce que c'est la présomption ? Eh bien, la présomption, c'est cette figure de l'amour de soi qui est le mauvais amour de soi, si je puis dire, qui est celui qui prétend s'ériger en législateur. C'est l'amour de soi qui prétend occuper la place de la loi et qui veut s'imposer nécessairement et universellement. Cette présomption-là, elle est humiliée et c'est cette violence que nous ressentons en nous lorsque la loi s'impose à nous. Donc, c'est un sentiment de douleur. Et ça, c'est un point très important aussi. C'est contre l'idée aussi que nous puissions être spontanément en accord avec la loi. Nous autres êtres finis, eh bien, nous sommes toujours, nous ne sommes pas spontanément en accord avec la loi. Et le degré moral qui est le nôtre ne peut être que celui de la vertu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être des saints. Le saint, c'est celui qui est spontanément, qui se croit spontanément en accord avec la loi, et pour qui, justement, il pense ne pas avoir à lutter contre lui-même pour être moral. Ça, c'est une figure de ce que Kant appelle le fanatisme moral, de celui qui croit pouvoir être en accord et vivre sa moralité uniquement dans une forme d'apothéose joyeuse, sans qu'il ait besoin de s'infliger, en un sens, la contrainte de la loi. Non, la loi, pour nous, c'est le devoir. Et le devoir indique toujours quelque chose comme une contrainte, et donc toujours une violence infligée à la sensibilité. Et nous ne pouvons être que vertueux, c'est-à-dire que pour nous, nous ne pouvons être à ce degré moral où l'intention morale est toujours en lutte. Nous sommes toujours en lutte avec nous-mêmes dans la loi, et donc cela s'exprime dans cette dimension négative de la souffrance. Mais en même temps... Avant d'en arriver au point positif, voilà. Parce que je sais c'est ce qui arrive, et heureusement, tant mieux, parce que c'est aussi le sujet de l'émission, ce point positif. Quelle part faut-il faire à l'influence religieuse dans la philosophie de Kant ? Parce que ce que vous dites, c'est aussi quand même ce qu'on trouve dans les textes religieux, que ce soit catholique ou protestant. Dans le christianisme, en tout cas, le refus du corps comme étant le lieu de quelque chose qui nous détourne d'une loi, qui est peut-être la loi divine, mais qu'on pourrait identifier à la loi morale, les échos sont apparents. Qu'en est-il ? Il n'y a pas ici de refus du corps ni de la sensibilité. Il ne s'agit pas, encore une fois, de vouloir détruire en nous la sensibilité. Non, mais il faut souffrir pour être moral. Non, ce n'est pas qu'il faut souffrir avec moral. De fait. Non, ce n'est pas qu'il faut souffrir avec moral. C'est qu'il nous faut être moral. Et cela. Et ça fait mal. Et ça nous fait toujours mal, oui, parce qu'on préférerait. Mais il y a quand même la douleur. On préférerait toujours s'abandonner à nos désirs, à nos passions, à nos inclinations. Mais il nous les faut. Il nous faut les réfréner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les suivre. Si elles sont en accord avec la loi morale, alors laissons-nous y aller, mais parfois elles ne le sont pas, et donc il nous faut nous restreindre. Et justement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de lutter contre cette figure du fanatique moral, celui qui a bonne conscience et qui se croit moral, alors que justement, nous ne savons jamais pour Kant si nous sommes moraux, et nous ne savons jamais si nous sommes totalement en accord, et nous ne sommes certainement pas spontanément en accord avec la loi. Donc, évidemment, il y a toujours cette dimension qui est une dimension de souffrance. Alors, l'influence de la religion. Alors, on dit toujours que Kant ayant été éduqué dans une atmosphère liée au piétisme par sa mère, il aurait été influencé par cet aspect des choses, sans nul doute. Il est un penseur du 18e, de Königsberg, et donc soumis dans son éducation à ses influences. On pourrait faire une sociologie, peut-être, de Kant qui expliquerait cela. Mais pour ce qui est de sa philosophie elle-même, ce qui est clair en tout cas, c'est que jamais la morale ne peut se fonder sur la religion. C'est quelque chose qui est clairement... Au contraire, elle se fonde dans la raison. Elle se fonde dans la raison et dans la seule raison, dans l'autonomie de la raison, et non pas sur une figure d'une autorité religieuse. C'est au contraire la religion qui, pour Kant, et cela apparaît dans la critique de la raison pratique, dans la dialectique, et aussi dans son livre ultérieur, La religion dans les mythes de la simple raison, c'est la religion qui doit se fonder sur la morale. Le cœur même rationnel de la religion, c'est la rationalité pratique et la morale, ce qui fait aussi que nul commandement religieux véritable ne peut aller contre la morale, puisque elle doit justement avoir ce cœur moral en elle. Voilà. Donc il y a cette idée très forte chez Kant, hein, que c'est bien la religion qui se fonde sur la morale. Et donc il y a cette dimension d'humiliation de la sensibilité. C'est pour ça qu'il peut en venir au point positif quand même, parce que elle se double d'emblée, et c'est pas un hasard si par exemple Lacan rapprochera Kant aussi de Sade, bon, avec cette articulation du plaisir et de la douleur. Elle est marquée ici dans le respect, puisque il y a un plaisir qui donc, est aussi une dimension plaisante dans le respect. Alors voilà. Pourquoi? Alors d'abord, donc si on alors bon, plusieurs choses. On peut entendre Kant lui-même nous décrire le passage de la douleur au plaisir, si vous le voulez, le texte mieux, élu. Ouais. Bah, pas forcément, parce que c'est quand même un texte très difficile. Il faut le dire d'ailleurs, souvent dans la critique de la raison pratique, les textes sont difficiles et c'est pas qu'une affaire de traduction. Et on travaille avec la traduction de Jean-Pierre Fussler en Garnier Flammarion. Ça, la traduction est irréprochable, mais le texte est parfois très technique. L'avantage de Kant, c'est que contrairement à d'autres philosophes, si on le lit vraiment mot à mot avec le doigt en dessous de chaque mot, on peut comprendre, c'est-à-dire que les mots n'ont pas un double sens puisqu'il prend garde à bien les définir. Ce passage de la douleur au plaisir, comment se fait-il? Quel est le mécanisme qu'il y a à l'œuvre? Je vous propose qu'on écoute le texte et puis vous nous éclairerez ensuite, François Quellery, quant à la teneur de ce texte. Nous trouvons notre nature comme être sensible constituée de façon telle que la matière de la faculté de désirer, les objets de l'inclination, que ce soit de l'espérance ou de la crainte, s'imposent d'abord à nous. Et que notre moi, pathologiquement déterminable, même s'il est tout à fait impropre à constituer une législation universelle, s'efforce cependant, tout comme s'il formait notre moi tout entier, de faire valoir ses prétentions avant tout, et comme les prétentions premières et originaires. Se penchant à se faire soi-même le fondement objectif de la détermination de la volonté en général, on peut l'appeler l'amour de soi. Or, la loi morale, qui seule est véritablement, c'est-à-dire à tous égards, objective, exclut totalement l'influence de l'amour de soi sur le principe pratique suprême. Donc la loi morale humilie inévitablement tout homme dès lors qu'il compare avec cette loi le penchant sensible de sa nature. Ce dont la représentation comme fondement de la détermination de la volonté nous humilie dans l'opinion que nous avons de nous-mêmes, suscite par soi-même, pour autant que c'est quelque chose de positif et un fondement de la détermination, le respect. La loi morale est donc aussi, subjectivement, un fondement du respect. Professeur François Quellery, nous avons besoin de votre aide pour expliquer ce texte qui, d'ailleurs, je dois dire, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de cette émission, est rendu beaucoup plus clair par vos propos et les définitions que vous avez apportées. Et je crois, vous nous avez rendu attentifs à cette phrase qui ressort du texte, « La loi morale humilie inévitablement tout homme », ce qui est très très fort quand même comme terme. Oui, Alors, donc, si on reprend ce texte-là, on voit qu'il commence, ce texte, par rappeler ce qu'on a aussi rappelé, c'est-à-dire hein, que nous trouvons notre nature comme étant déterminée sensiblement, et cela fait partie de notre nature. Être heureux, dit Kant, est nécessairement le désir de tout être raisonnable mais fini, du fait de cette finitude même qui, pour Kant, est la sensibilité. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas être sensibles. Et simplement, cette sensibilité tend à vouloir s'imposer. Et s'imposer, comme le dit Kant de façon assez belle ici, hein, tout comme s'il formait notre moi tout entier. Notre moi sensible tend à vouloir s'imposer comme s'il était notre moi tout entier. Et il nous faut lutter contre ce penchant, contre cette passion que Kant identifie comme étant l'amour de soi, à l'image de son siècle, hein, la passion fondamentale qui nous anime. On trouve ça chez Rousseau, on trouve ça chez les anglo-saxons qu'on a cités tout à l'heure. Et l'ensemble de nos penchants, pour Kant, est réuni dans l'amour de soi. Hein, donc, c'est le titre général de notre sensibilité. Mais il nous faut lutter, et la raison doit donc s'imposer à ses penchants, et s'imposant à ses penchants, inévitablement, va humilier cette présomption de nos penchants à vouloir s'imposer et même à vouloir légiférer en tous les cas. Mais, et c'est là que le texte... Enfin, arrivons à l'aspect positif. Voilà, la fin du texte, c'est in extremis, nous humilie dans l'opinion que nous avons nous-mêmes, dit Kant, pour autant que c'est quelque chose de positif et un fondement... ce dont la présentation nous humilie dans l'opinion que nous avons nous-mêmes suscite pour autant que c'est quelque chose de positif et un fondement de détermination par soi-même le respect. Donc il y a quelque chose de positif. Et le sentiment de douleur qu'est le respect se double d'un sentiment de plaisir. Un sentiment de plaisir qui, dit Kant, là où l'humiliation nous rabaisse, est un sentiment d'élévation, dit Kant. C'est le terme qu'il emploie. Un sentiment d'élévation et qui nous élève à la sublimité de notre destination morale. Et ce sentiment de plaisir n'annule pas le sentiment de douleur. Quand Kant dit qu'il y a un sentiment de plaisir et de douleur, c'est pas que finalement ça s'annule et qu'on a un sentiment un peu gris qui serait ni plaisir ni douleur. Non, il est à la fois douleur infligée par la raison à notre sensibilité et en même temps, du fait même de cette humiliation, il est aussi plaisir puisque qui est-ce qui nous humilie ? Rien d'autre que nous-mêmes. Rien d'autre que notre raison. Et c'est pas du masochisme. Notre raison pratique. Et c'est pas du masochisme. Notre raison pratique, nous sommes précisément à l'origine de cette législation qui, par ailleurs, nous humilie. Et nous reconnaissons, en fait, là, la destination la plus propre qui est la nôtre et qui est notre destination morale. Et dès lors, il y a ce sentiment d'élévation et qui est un sentiment extrêmement puissant, nous dit Kant. Hein, dans la troisième critique, il dira qu'il faut même parfois le modérer pour qu'il ne se lève pas jusqu'à une sorte d'enthousiasme excessif pour le bien. L'homme est à la fois humilié et humiliant. La satisfaction ou le plaisir vient de là, de se dire, mais au fond, c'est moi qui suis à l'origine de son sentiment de respect. Voilà. C'est parce que je suis libre que je peux édicter une loi morale, que je suis en mesure de respecter. Mm-hmm. Et donc, cet oscillement entre la douleur et le plaisir vient du renseignement que j'ai quant à ma propre nature. Et c'est ma propre grandeur, en un sens, que j'éprouve dans ce sentiment de plaisir. Mais on voit alors que le sentiment de respect, enfin le respect en tant que sentiment, il n'est pas le fondement de la détermination de la volonté, puisque c'est la loi et la raison. Mmh. Mais au contraire, c'est la raison qui produit en nous ce sentiment. Et c'est pourquoi, dit Kant, c'est un sentiment si spécifique, c'est un sentiment a priori, alors même que, au début, il a commencé par dire que tous nos sentiments étaient a posteriori, étaient tirés de l'expérience, c'est le sentiment qu'on peut déduire a priori de la raison, puisqu'il est le sentiment que produit la raison sur notre sensibilité, du fait même que notre sensibilité est arraisonnée, si je puis dire, au sens où elle est soumise à la raison. Et comment on peut déduire a priori ? On peut la déduire a priori, puisque précisément, c'est le sentiment qu'on éprouve du fait même de l'exclusion des sentiments du fondement de la détermination de la volonté. Et du coup, nécessairement, puisque nous devons exclure tous les sentiments du fondement de la détermination, nous infligeons cette douleur, une douleur que nous reconnaissons pourtant être un plaisir. Et c'est une des grandes conquêtes de ce premier chapitre, qui, dans ses sinuosités, parvient justement à s'élever à une détermination du sentiment qui est une détermination qui le fait rentrer dans le cadre de la philosophie transcendantale. On retrouvera ça d'ailleurs dans la troisième critique, hein, l'analyse du sublime, par contre, qui décrit exactement les mêmes sentiments face à une tempête déchaînée ou une montagne géante. On ressent d'abord de la peur. Et puis, un sentiment qu'il qualifie de sublime, qui est parce que cela nous révèle quant à notre propre grandeur. Si l'on peut mesurer cette grandeur-là, ou au moins l'appréhender, ça veut dire qu'on la trouve aussi en nous. Oui, il y a une parenté, d'abord une parenté structurelle entre le sentiment du respect et le sentiment du sublime, puisque on a On a cette dualité d'un sentiment de plaisir et d'un sentiment de peine. Hein, la violence de la tempête ou la grandeur de la montagne commence d'abord par nous humilier et par nous faire ressentir la faiblesse qui est la nôtre lorsqu'on se situe sur le plan physique, le plan de la sensibilité. Mais en même temps, ce que j'éprouve devant si je suis sur le Cap Fréhel, devant la tempête déchaînée, ce que je ressens, c'est que justement, quoi qu'il arrive, la nature n'a pas de prise sur ce qui en moi relève de la liberté. Et cela indique. Et du coup, il n'y a pas de sublime dans la nature. La nature me présente, en fait, une image de ma propre sublimité et de la sublimité de ma destination morale. Bon, la nature n'a pas de prise sur nous, mais le temps des horloges, si, François Calori, on doit se quitter. Vous voulez qu'on se quitte avec des sentiments ou de la dignité? Ah, justement, le respect, c'est le sentiment de la dignité. Bah, il faut choisir, parce que c'est deux fins différentes. Alors, finissons sur le sentiment, ce sera une touche un peu plus... Alors, c'est Constantine, je suis un sentimental. S'il m'arrive souvent des histoires, ce n'est pas que j'aime la bagarre. Moi, dans la vie, j'ai mon idéal. Je suis un sentimental. Quand je vois deux hommes qui se battent, ça choque mon âme délicate. Comme je ne sais pas lequel a tort, je tape sur les deux pour les mettre d'accord. Et qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai trop bon cœur, ça me perdra. Tant pis, c'est mon idéal, car je suis un sentimental. Quand un copain prend une cuite, je désapprouve sa conduite. Et je lui dis, tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Mais comme il n'y a rien à faire, chaque fois qu'il commande un verre, pour l'empêcher de se faire du mal, je me sacrifie et c'est moi qui l'avale. Et qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai trop bon cœur, ça me perdra. Tant pis, c'est mon idéal, car je suis un sentimental. Je suis un sentimental, chante Eddie Constantine. L'autre option, François Calori, c'était Dignity de Bob Dylan. Alors, je regrette. Dylan, dis pas ça. On se quitte avec les sentiments. Toujours Bob Dylan. Je suis d'accord. Merci en tout cas à vous d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et je renvoie les auditeurs au livre que vous avez coordonné, De la sensibilité, c'était le sujet de l'émission quand même, Les esthétiques de Kant, aux presses universitaires de Rennes. C'est mon devoir, je n'hésite pas. Alors j'en console 4 ou 5 à la fois. Et qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai trop mon cœur, ça me perdra. Tant pis, c'est mon idéal, car je suis un sentimental. Je serai toujours comme ça. Que voulez-vous, on se refait pas. Je m'attendris, c'est normal, car je suis un tendre. Il faut comprendre, je suis un sentimental. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de présomption d'innocence. Mardi 2 octobre, en marge de l'affaire Kavanaugh, du nom du candidat républicain à la Cour suprême qui est actuellement accusé de viol, le président américain Donald Trump a déclaré, depuis les jardins de la Maison Blanche, « C'est une époque vraiment terrifiante pour les jeunes hommes en Amérique. Vous pouvez être coupable de quelque chose dont vous n'êtes pas coupable. C'est vraiment une période difficile », a-t-il ajouté, estimant que la présomption d'innocence était trop souvent piétinée. « Toute ma vie, j'ai entendu que vous étiez innocent tant que vous n'aviez pas été reconnu coupable. Aujourd'hui, vous êtes coupable tant que vous n'avez pas été reconnu innocent. » Il est curieux de voir un chef d'État que le monde entier s'accorde à considérer comme réactionnaire se faire l'avocat d'une des plus grandes conquêtes de la modernité, la présomption d'innocence, et le faire, puisque c'est la cible implicite de son discours, contre le mouvement MeToo, un mouvement qui se veut au service du progrès et des valeurs démocratiques, de liberté et d'égalité. À y regarder de plus près, Donald Trump n'a pas tout à fait tort. En ce début de 21e siècle, la présomption d'innocence semble effectivement de plus en plus menacée. Mais revenons un peu en arrière. L'idée de présomption d'innocence a été l'une des conquêtes majeures de ce qu'on a appelé l'état de droit. Au XVIIIe siècle, le grand juriste des Lumières Beccaria, le père de l'abolition de la peine de mort, formule explicitement le principe dans son livre « Des délits et des peines ». Voici ce qu'il écrit. « Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge, et la société ne peut lui retirer la protection publique qu'après qu'il est convaincu d'avoir violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée. » Voici une proposition bien simple. Ou le délit est certain, ou il est incertain. S'il est certain, il ne doit être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu'on n'a plus besoin des aveux du coupable. Si le délit est incertain, n'est-il pas affreux de tourmenter un innocent? Car devant les lois, celui-là est innocent, dont le délit n'est pas prouvé. C'est à la suite de ce développement du droit individuel et des réflexions des Lumières que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame, tout naturellement à l'article 9, « Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Et voilà comment on passe de l'ancien régime à la démocratie libérale. Mais aujourd'hui, la présomption d'innocence est attaquée de toutes parts. À droite, on se souvient qu'en 2016, Laurent Wauquiez avait proposé d'interner d'office tous les individus fichés S par les services antiterroristes dans des centres de rétention, avant toute procédure juridique en bonne et due forme. L'argument est de poids. Face aux dangers terroristes, les procédures juridiques entravent inutilement l'État dans sa volonté de défendre les citoyens. Eux ne s'embarrassent d'aucune précaution et nous nous ligotons les pieds et les mains. Pourtant, on ne peut s'empêcher de frémir à l'idée d'entrer dans un monde où les suspects seraient privés de liberté sans aucune forme de procès. De l'autre côté du spectre politique, les militantes féministes signalent régulièrement ce qui fait que le principe de présomption d'innocence est mal adapté aux affaires de viol et de harcèlement sexuel. Le viol, le harcèlement sexuel sont des crimes ou des délits sans témoin et très souvent sans preuve. L'affrontement judiciaire est un affrontement parole contre parole. Dans ces conditions, il est très difficile de prouver la culpabilité des accusés. De plus, ajoute-t-on, les femmes osent peu porter plainte, car elles s'attendent à ce qu'on ne les croit pas. Ce qui a conduit Daniel Obono, quand le ministre Gérard Darmanin a été accusé de viol en 2017, il a depuis bénéficié d'un non-lieu, à proposer de remplacer la présomption d'innocence par ce qu'elle a appelé la présomption de véracité. Il faudrait, dans les affaires de viol, inverser le principe des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme et laisser à l'accusé la responsabilité de prouver son innocence et non l'inverse. Ainsi, le XXIe siècle nous verra-t-il nous débarrasser de la présomption d'innocence au nom de la lutte contre le terrorisme ou les violences sexuelles? Nous verra-t-il au contraire maintenir ce principe alors que beaucoup d'entre nous n'en comprennent plus la nécessité? Nul ne le sait. Mais voilà à nouveau une illustration du trait caractéristique de la vie en société que Max Weber appelait le polythéisme des valeurs. Citons-le pour finir. Pour autant que la vie a en elle-même un sens et qu'elle se comprend d'elle-même, elle ne connaît que le combat éternel que les dieux se font entre eux. Ou, en évitant la métaphore, elle ne connaît que l'incompatibilité des points de vue ultimes possibles, l'impossibilité de régler leurs conflits et par conséquent, la nécessité de se décider en faveur de l'un ou de l'autre. Autant le dire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission en compagnie de Marie Simon, Anaïs Isbert, Sharon Houry, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Alexandre Dang et Emmanuel Morzincan à la prise de son aujourd'hui, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Exceptionnellement demain, nous vous proposerons la diffusion d'un débat organisé le week-end dernier à la Sorbonne en compagnie de Jean-Claude Amezen et Frédéric Worms autour du thème « Faut-il renoncer à la vérité ?». C'était à l'occasion de la journée Les Idées Claires organisée par France Culture et donc enregistrée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris en public. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu y assister, eh bien demain, vous pourrez écouter l'émission Le Débat et vous verrez, c'est passionnant. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toute cette série d'émissions sur la critique de la raison pratique de Kant, mais aussi celle sur Pascal de la semaine précédente. Bref, toutes les émissions de votre choix sont disponibles, également à télécharger, à podcaster, pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez, de manière illimitée. Allez, on se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.